La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. L'un des plus grands défis pour l'espèce humaine est d'être confronté quotidiennement à la faim, avec ce signal de la faim qui se manifeste plusieurs fois par jour. Et face à l'énorme disponibilité des aliments et à leur abondance dans nos sociétés, notre cerveau se trouve donc stimulé en permanence, d'où la difficulté souvent à maintenir un équilibre. Notre comportement face à la nourriture est le fruit de mécanismes biologiques. Il repose sur une adaptation à un environnement qui était relativement stable pendant de nombreux millénaires. Mais aujourd'hui, les choses ont changé dans notre façon de nous nourrir. Nos partenaires du magazine Cerveau et Psycho consacrent leur nouveau dossier aux lois naturelles de l'alimentation. Et alors que plus d'un Français sur deux est en surpoids, comprendre justement les mécanismes neurobiologiques de notre comportement alimentaire pourrait nous aider à retrouver l'équilibre. On en parle dans un instant avec mes invités et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la une de la science, Héloïse, on revient sur cette annonce de ce deuxième cas de rémission du virus du sida. Oui, toute la presse en parle et c'est normal, c'est un événement. On va voir ce qui s'est produit pour ce patient et on va aussi se demander si toutes les personnes atteintes par le VIH pourraient bénéficier de la technique utilisée dans son cas. On voit ça dans un instant, c'est Frédéric Milano qui réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter. Avant de passer à la une de la science, on va accueillir nos invités pour évoquer donc nos comportements alimentaires. Ce sera le dossier de la tête au carré dans un instant. Didier Chapelot, médecin et maître de conférence à l'Université Paris 13 et spécialiste de physiologie du comportement alimentaire, est à mes côtés. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'être là avec Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Sébastien, est-ce qu'une fois de plus, notre cerveau est le pilote dans notre façon de nous nourrir ? Ah, il est un pivot, évidemment. Il n'est pas le seul en cause, mais c'est lui, effectivement, qui reçoit un grand nombre de signaux qui régulent notre alimentation, que ce soit des signaux gustatifs, puis des signaux biochimiques, hein, la glycémie, et puis des signaux nerveux qui viennent de l'estomac, et il doit gérer tout ça. Didier Chapelot, notre rapport à l'alimentation, il a beaucoup changé, justement, dans nos sociétés modernes, et c'est une chose assez récente à vous lire, justement. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'étudier comment le mécanisme s'est développé dans un contexte et comment ce mécanisme physiologique se voit maintenant en porte-à-faux, on va dire, avec les contraintes qu'on lui impose. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de à la fois de regarder comment on peut articuler pour essayer de ne pas rentrer en conflit avec son corps, ce qui est quand même, hélas, le problème. Mmh. Et d'autre part, comment éventuellement, moi je tiens beaucoup à l'idée de conditionnement, c'est-à-dire comment on peut conditionner le corps pour l'amener à nous inciter à faire les choses que l'on souhaite. Bon, c'est une question d'éducation, au fond, sur nous-mêmes, hein. Oui, à condition de s'éduquer non pas de manière un peu cognitive et en écoutant des conseils, mais en essayant de détecter les signaux qu'ils nous envoient, de les décrypter et après d'y répondre de manière harmonieuse, mais qui nous amène à faire ce qu'on souhaite. Ouais, sauf qu'on aura aussi besoin de vos conseils pour pouvoir écouter nos signaux. Hein. C'est aussi le but de l'émission parvenir. C'est quoi finalement, Sébastien ? C'est la trop grande disponibilité alimentaire qui a mis en péril notre équilibre face à notre lien à l'alimentation aujourd'hui ? C'est un énorme problème. On vit dans une société de pléthore. Aujourd'hui, on meurt plus de suralimentation que de la faim dans le monde. L'épidémie d'obésité, elle est mondiale. Aujourd'hui, c'est un Français sur 6 pratiquement qui est obèse. On ne sait pas comment enrayer ça. Et le but de ce dossier, c'est aussi d'une part de voir pourquoi au départ on est fait pour se réguler automatiquement, mais qu'est-ce qui dans notre environnement complètement technologisé vient parasiter en fait ces mécanismes balanciers normalement bien faits. Voilà. Est-ce que vous avez changé votre comportement alimentaire après avoir préparé ce dossier pour Cerveau Psycho ? Oh, pas après avoir préparé ce dossier, mais je connais plus de petits trucs. Effectivement, on repère. Ouais. Je repère dans mon environnement des petites choses qui pourraient me faire basculer. Ouais. Ouais. Ouais. Didier Chapelot, il faut préciser, et c'est très important pour nos auditeurs, que vous n'êtes pas nutritionniste. Hein, donc, on ne va pas parler d'aliments en particulier, mais plutôt des mécanismes dans nos liens à l'alimentation. Hein. Il faut faire la nuance, c'est important. Oui, c'est très important. Je fais par ailleurs des ateliers de comportement alimentaire en Seine-Saint-Denis. Donc, vous voyez que c'est un public qui arrive un peu vierge un petit peu, mais tout de suite, on parle du fait que l'on va pas parler d'aliments, on va parler de comportement, on va parler de ce que notre corps nous dit de faire, d'hormones. Alors on reste bien sûr dans des termes accessibles et des stratégies qui sont applicables, mais on essaye au moins pendant une heure et demie, deux heures, de se débarrasser de cette phobie des aliments. Quoi. On va essayer de le faire ensemble alors aussi. Ouais. Hein, nous on a un peu moins d'une heure, mais enfin on peut tenter la chose quand même. Allez, vous êtes nos invités dans un instant, en partenariat avec Cerveau et Psycho, et bien sûr toutes vos questions, vous nous rejoignez sur franceinter.fr. Malgré ce que vous avez pu entendre ou lire dans la presse récemment, je suis guéri du virus du sida. Je suis la preuve vivante qu'on peut guérir du sida. Pour certains, ma guérison est purement médicale. Pour d'autres, elle est due à une intervention divine. Voilà les mots de Timothy Brown à la Une de la Science. C'était le premier patient guéri du virus du sida lors d'une conférence de presse en 2012, Héloïse. Hein. Oui Mathieu, Timothy Brown est en rémission du VIH depuis plus de 10 ans et on peut, après tant d'années, sans être trop imprudent, parler de guérison dans son cas. Il n'est désormais plus seul puisqu'un deuxième cas similaire vient d'être annoncé. Celui qui est appelé le patient de Londres est lui en rémission depuis 18 mois et son cas fait l'objet d'un article dans la revue Nature. On fait le point avec le professeur Olivier Schwartz qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de l'Institut Pasteur et responsable de l'unité de recherche virus et immunité. Or, dites-nous qui est ce patient et de quoi souffrait-il au départ ? Alors, c'est un cas scientifique et clinique très intéressant, mais il ne faut pas s'emballer parce que la technique qui a été employée pour le guérir a été très efficace, mais n'est pas applicable à grande échelle. Ce patient, dit le patient de Londres, était effectivement atteint d'infection par le VIH sous traitement antirétroviral classique, c'est-à-dire il n'avait pas de virus détectable dans le sang. Il a malheureusement développé un cancer du sang, un lymphome hodgkinien. Et donc, pour soigner ce lymphome hodgkinien, il a fallu lui faire différents types de traitements, mais en particulier une greffe de moelle osseuse pour remplacer entièrement ses globules blancs et son système immunitaire. Le but, c'était de débarrasser son organisme de toutes les cellules cancéreuses, leucémiques, et ensuite de le repeupler avec une greffe de moelle d'un autre individu. Donc ça, c'est un traitement lourd, classique, utilisé dans des cas de cancer, bien sûr. Et donc, après cette greffe, il a été immédiatement débarrassé du virus ou il a fallu un délai ? Alors là, ce qui s'est passé, les chercheurs et les cliniciens ont réinjecté tout d'abord une moelle qui était compatible d'un point de vue HLA, comme dans tous les cas de transfert ou de transplantation ou de greffe de moelle. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près moins de 1% des individus qui sont naturellement résistants à l'infection par le VIH, parce qu'ils sont porteurs d'une mutation dans un gène qui s'appelle CCR5, qui est en fait le récepteur du virus. Donc là, ce que les cliniciens ont fait, ils ont transplanté des cellules d'un donneur qui était naturellement résistant du fait de cette mutation dans le gène CCR5. Mmh. Donc le traitement préparatoire chez le patient, éliminer toutes ses propres cellules par chimiothérapie et après l'introduction donc de cette nouvelle population de cellules qui a repeuplé son organisme, lui a donné un nouveau système immunitaire d'une certaine façon et le virus, le réservoir potentiel du virus qu'il avait en lui n'a pas pu, soit été éliminé par le traitement de préparation à la greffe, soit le virus n'a pas pu se propager dans les nouvelles cellules qui étaient réimplantées. Donc d'une certaine manière, les chercheurs ont fait d'une pierre deux coups, si on peut dire. Le but premier était de traiter le cancer et ils ont sélectionné des cellules particulières, c'est ça? Voilà, parce que c'est exactement ça, parce qu'il y a un traitement très efficace pour HIV, comme vous le savez, les patients qui sont sous traitement antirétroviral prennent une pilule ou quelques pilules tous les jours de façon régulière et donc n'ont plus de charge virale détectable, ils sont soignés. Mais si le traitement est arrêté, dans l'immense majorité des cas, en quelques jours, quelques semaines, le virus ressort parce qu'il y a ce qu'on appelle un réservoir. C'est un virus qui est présent dans l'organisme, dans des cellules endormies. On dit que le virus est latent. Et ce virus n'est pas accessible au traitement antirétroviral classique qui vise les enzymes du virus. Et lorsque le virus se multiplie, quand il est endormi, ces enzymes ne sont pas actives. Il est dans le génome de la cellule, dans le noyau, mais il n'est pas sensible à ce traitement. Et dès qu'on arrête le traitement, le virus peut repartir. Justement, dans un contexte actuel où le traitement est imparfait encore, dans le sens où il muselle seulement le virus, on peut comprendre les espoirs. Pourquoi, concrètement, on ne pourrait pas appliquer cette moelle osseuse aux autres malades ? Alors, le traitement actuel est très efficace, sous réserve qu'on le prenne encore une fois de façon régulière et à vie jusqu'à présent. On ne peut pas appliquer cette technique parce qu'elle est extrêmement lourde. Faire des transplantations de moelle nécessite une préparation de l'individu receveur. S'il y a une aplasie, l'individu est en immunodéficience profonde. Donc, c'est des lourdes hospitalisations de plusieurs semaines. Et il y a des risques. C'est un geste loin d'être anodin. Il y a une forte risque de mortalité associée à ce traitement. Donc, ce n'est pas applicable à grande échelle. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça prouve quand même, c'est une preuve de concept, qu'on peut arriver à guérir des individus. Ça avait déjà été fait, comme vous l'avez rappelé dans votre petit reportage, il y a plus de 10 ans avec Timothy Brown. Donc, c'est une reproduction, ce n'était pas un cas unique. On peut, en refaisant la même méthodologie, bon là, il y a eu quelques petits changements, le patient n'a pas été irradié pour éliminer complètement ses propres cellules, mais a juste subi une chimiothérapie. Donc le traitement est moins lourd déjà que pour le premier patient, mais c'est une reproduction de quelque chose qui avait déjà été fait. Allez, une dernière question très rapidement, oui. Héloïse. Rapidement, quelles sont les pistes de recherche qui sont explorées actuellement pour essayer de guérir véritablement l'infection ? Alors, donc là, je vous ai parlé du réservoir viral qui est présent chez les individus traités. Effectivement, maintenant, il y a différentes pistes de recherche qui visent à atteindre ce réservoir viral. Déjà, il faut pouvoir le caractériser. C'est quelque chose d'assez hétérogène dans l'organisme. C'est pas un seul endroit, c'est pas un seul type de cellule. Donc, il y a beaucoup de recherches qui visent à décrire l'état de ces cellules, où elles sont, pourquoi est-ce que le virus ne sort pas. Et donc, il y a d'autres recherches qui visent à soit faire sortir le virus de ces cellules et le détruire ensuite. Il y a également de l'immunothérapie, un peu comme pour des cellules cancéreuses, qui sont explorées pour essayer d'atteindre ce réservoir. Il y a des anticorps monoclonaux qui sont dirigés, par exemple, contre l'enveloppe du virus, qui sont en essai clinique actuellement aux États-Unis et qui sont des pistes très prometteuses. Merci beaucoup, Olivier Schwartz, pour vos précisions. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de l'Institut Pasteur et donc responsable de cette unité de recherche virus et immunité. Merci, Héloïse. À demain, Mathieu. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la science enfonce le clou. Non, le vaccin ROR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole ne favorise pas l'autisme chez les enfants. Une étude de très grande ampleur publiée dans les Annales de médecine interne américaine est arrivée à cette conclusion comme plusieurs autres études avant elle. 650 000 enfants danois nés entre 1999 et 2010 ont été suivis jusqu'en 2013. Les chercheurs ont comparé les cas d'autisme parmi les vaccinés et les non vaccinés sans trouver aucune différence. Une seule étude menée en 1998 sur 12 enfants avait trouvé un lien entre le vaccin ROR et l'autisme. La revue médicale qui l'avait publié s'était d'ailleurs ensuite rétractée et l'auteur qui avait falsifié les résultats avait perdu sa licence médicale. Le CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, va lancer une nouvelle expérience pour dénicher des particules associées à la matière noire. L'étude s'intéressera aux particules légères interagissant faiblement. Les 4 détecteurs principaux de LHC, le plus grand accélérateur de particules au monde dont dispose le CERN, ne sont pas en mesure de détecter les particules de ce type qui pourraient être produites parallèlement à la ligne de faisceau des protons. Les chercheurs ont donc décidé d'installer un nouveau détecteur appelé Phaser, chargé de rechercher donc des particules hypothétiques, en particulier des photons noirs, ainsi que des neutralinos également associés à la matière noire. Et puis une découverte spectaculaire et quasiment magique vient d'être faite sur un cténophore, un petit animal marin qui ressemble à une méduse. Elle concerne son anus, capable d'apparaître quand l'animal doit se soulager et de disparaître tout de suite après sous les yeux ébahis des scientifiques. Il y a pourtant une explication rationnelle à ce phénomène qui fait l'objet d'une publication. L'intestin de l'animal n'est pas connecté de manière permanente à l'extrémité de son corps. Au fur et à mesure que les déchets s'accumulent, l'intestin se gonfle et finit par fusionner avec la peau. Une fois la mission de défécation accomplie, le processus inverse s'amorce et l'anus disparaît. Allez, nos comportements alimentaires, on en parle dans un instant, c'est le dossier de la Tête au Carré. Passionnément à mes amis, à mes parents, au marchand, à monsieur l'agent, je mens tellement sans me gênant. Je fais croire que j'ai connu Brad Pitt, d'ailleurs elle a pas une si grosse. Enfin, j'aurais su, j'aurais pas venu. En plus, les pas si beaux. À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement, me disait Johnny que je t'aime. Toi, t'as du talent, hein? À moi? Bah moi je m'en fiche, je sais plus quand. Je me suis dit, vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre vie de Mitterrand. Et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai l'arc et Johnny dit bye bye, sans remettre à bail les grands. Il était mielleux, il était chiant. À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est pas très joli, je vois pas comment faire autrement. Bien sûr, tout compte fait, c'est pas facile de pas perdre le fil. Des fois, je voudrais fuir, partir de là, être sale sur une île. Je veux parler de moi. J'espère que tu feras pas comme les autres qui riaient, qui me montrent du doigt. Bah quoi, je mens, même si ça vous plaît pas bien. Vous qui faites comme si vous saviez rien. Au moins là c'est donnant, donnant. Je suis pas toute seule à faire semblant. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est une vraie folie, c'est promis et c'est plus fort que moi. Bien sûr que je le sais, je suis pas débile, mais pour le moins fragile. Et si ça se pourrait, je voudrais pas finir à l'asile. Ah, je vais y aller là-bas, ça fait non. Laissez-moi tranquille, me touchez pas. Sur mon mauvais vent, souffert. Moi je m'en plus depuis ce matin. Depuis que j'ai fait du chemin, je me suis dit que c'était vraiment nul. Et surtout que ça rime à rien. J'ai plus qu'à appeler tous mes potes, histoire de faire remonter ma cote. Et on rigolera comme avant, avant que je leur fasse perdre leur temps. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement c'est comme ça, c'est ma vie. Je vois pas comment faire autrement. Carmen Maria Vega, c'était La Menteuse. La Tête au Carré sur France Inter. Comment retrouver l'équilibre dans notre comportement alimentaire? Eh bien, c'est le dossier et le pari cet après-midi de la Tête au Carré, en partenariat donc avec nos amis de la revue Cerveau et Psycho, qui consacrent un dossier aux lois naturelles de l'alimentation. Et bien sûr, vos messages, nous les attendons avec impatience, vos questions, sur le site de l'émission. Didier Chapelot, vous êtes avec nous en studio, médecin et maître de conférences à l'Université Paris 13, et vous êtes spécialiste de la physiologie du comportement alimentaire, et puis donc Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Didier Chapelot, finalement, ce qu'on découvre dans ce dossier pour lequel vous signez un large article, c'est que notre comportement alimentaire repose d'abord sur une séquence physiologique précise que vous décrivez en détail. Hein. Oui, alors justement, ça a été vraiment l'objet de nos travaux il y a 25-30 ans avec ma directrice qui s'appelait Jeannine Louis-Sylvestre, qui était une chercheuse qui est toujours assez extraordinaire sur le sujet. Et l'idée, c'était d'arrêter de parler de prise alimentaire et de commencer à travailler spécifiquement sur une séquence dont les déterminants sont différents. Oui. C'est, je dirais, sur le plan heuristique, c'est-à-dire ça permet de travailler quand on sait que la première étape, c'est le signal de faim. Mmh. Deuxième étape, c'est le rassasiement, c'est-à-dire, en gros, on arrête de manger à un moment. Mmh. Et troisième étape, c'est la satiété, c'est-à-dire une période pendant laquelle on a d'autres occupations et de préoccupations qu'alimentaires. Donc ça, ça se passe plusieurs fois par jour, au fond. Plusieurs fois par jour. Il est évident que selon le nombre de repas, la satiété va se retrouver devant des déterminants qui vont devoir s'adapter. Ouais. Et d'ailleurs, dans cette satiété, il y a deux périodes. Il y a une période qu'on va dire postprandiale, c'est-à-dire pendant laquelle vous avez les aliments que vous avez mangés qui font leur travail un petit peu d'approvisionnement. Puis une phase préprandiale que nous, on a décidé de séparer, puisque sur le plan biologique, ces deux phases sont quand même marquées sur le plan de la différence. On voit qu'il se passe quelque chose à un moment. Quand on étudie, comme on l'étudie avec des prélèvements sanguins toutes les 5 minutes pendant des heures, donc vous voyez qu'on a fait un travail quand même à une certaine époque qui était quand même très invasif, et on voit un seul coup basculer, on voit que le corps bascule en phase pré-prandiale. Ouais, c'est-à-dire concrètement, vous avez fait des travaux sur des personnes en train de manger du début jusqu'à la fin du processus Du début jusqu'à la fin de la journée, même. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'enfin, en tout cas d'un repas à l'autre, avec des prises de sang itératives toutes les 5 minutes, je vous ai dit. Ça pouvait durer 8, 9, 10 heures, puisque c'est eux qui demandaient leur repas spontanément. Ouais. Ça nous amenait parfois loin dans la soirée. La dure vie du chercheur. Ce qui d'ailleurs parfois explique que les Américains ne sont pas très friands de cette méthodologie. Ah bon, pourquoi vous tapez sur les Américains? Parce que, en général, quand je leur disais dans les congrès, mais pourquoi vous donnez des repas à des heures précises, ils me répondaient, ah oui, mais s'ils nous demandent très tard. Ah oui. Je dis, ben vous partirez très tard du laboratoire. Ouais. Petite parenthèse. Ben, c'était très intéressant pour nous, puisque ça nous a permis de mettre en relation concomitante toutes les hormones que l'on dosait. On a commencé bien sûr l'insuline, la leptine, puis la gréline au fur et à mesure des découvertes. Ouais. Alors justement, qu'est-ce que vous avez découvert de plus important tiens, pour essayer de faire une histoire marquante de ces travaux? Alors, ce qu'on a découvert, mais ce qu'avait déjà découvert chez l'animal, Jeanne-Louis Sylvestre en 81, qui avait eu pas mal d'échos, hein, c'était le fait qu'avant chaque repas, l'animal, on voyait une petite diminution de la glycémie quand l'animal était en situation libre dans sa cage et que le sang était... prélevé en continu et analysé en continu et envoyé systématiquement avant chaque repas, il y a une petite baisse de la glycémie. Donc c'est quoi une baisse du sucre alors finalement? Voilà, du glucose dans le sang, la glycémie, du sucre dans le sang. Mais à des niveaux qui sont très inférieurs à ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs même les Américains appellent pas ça l'hypoglycémie. En France on appelle ça l'hypoglycémie préprandiale, mais ça donne confusion avec l'hypoglycémie du début. Donc c'est une petite baisse de sucre. Petite baisse de glucose, hein. Je dis pas sucre parce que le sucre glucose, c'est du raison. Saccharose et absolument. Donc on n'a pas de saccharose dans le sang, absolument. On a beau boire du sang, c'est pas sucré, c'est du glucose et cette petite diminution qui correspond bien à une petite diminution du glucose au niveau cérébral parce que c'est quand même ça qui est intéressant, c'est que les deux soient liés, si c'était juste en périphérie ça n'aurait aucun intérêt, et donc cette diminution du glucose cérébral donne une sorte de signal et ce qui est intéressant par rapport à toutes les autres représentations c'est qu'on a, je dirais quelque chose de la périphérie qui s'exprime en centrale alors que souvent tous les neuromédiateurs, les hormones etc. sont assez, déconnectés du reste du corps. Hein, ils sont sécrétés par des cellules. Tandis que là, le glucose, c'est un modulateur perpétuel. Mmh. Il donne une indication, parfois pour un petit peu être... disons évocateur, je dis c'est comme si on avait quelqu'un du personnel que l'on faisait systématiquement siéger à la direction pour dire ce qui se passe au niveau, vous voyez, de la base. Oui, absolument. Voilà. Et ben, le glucose, c'est c'est le personnel, vous voyez, c'est le représentant du personnel. Et donc c'est lui, cette baisse de glucose qui marque finalement la fin. Qui marque le signal. C'est le déclenchement. Hein. Et nous, on l'a... Moi, j'étais médecin, j'ai pu faire ça chez l'homme alors qu'elle ne le pouvait pas, elle. Et donc, on l'a montré chez l'humain. Et ça a été... je dis l'homme, c'est l'humain maintenant. Mm-hmm. Et ça a été montré aussi par d'autres équipes. Ce qui est toujours rassurant en science quand c'est d'autres équipes qui montrent un phénomène que toujours la même. Ouais. Alors, Sébastien Boller, on en parlait tout à l'heure. Cette séquence donc physiologique, hein, elle est contrôlée justement par le cerveau et notamment l'hypothalamus. Alors l'hypothalamus, effectivement, c'est une plaque tournante qui va contrôler l'envie de manger en lien avec l'état de satiété où on se trouve ou on se trouve pas, et notamment avec toutes les hormones dont on a parlé, la leptine, la gréline, l'insuline. Vous avez des neurones qui s'appellent neurones orexigènes qui provoquent l'envie de manger, des neurones anorexigènes qui provoquent justement le contraire, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de manger, et qui captent justement ces hormones en permanence. Moi, ce que je trouvais passionnant, c'est que sur cette histoire de glucose qui est représentant du personnel, on a là un mécanisme de régulation tout à fait en prise avec les besoins de l'organisme. Mais ce qu'explique aussi Didier Chapelot dans son article, c'est qu'on peut avoir des envies de manger si j'ai bien compris, sans qu'il y ait forcément une baisse de glucose. Et à ce moment-là, le cerveau capte plutôt des indices de notre environnement, des indices visuels. Par exemple, vous passez à côté d'un bocal de M&M's, comme je crois que ça vous arrive. On Mathieu. Ne cite pas de marque à l'antenne, Sébastien Voller. On peut parler de Tritz, tiens, voilà. Parce que ça n'existe plus. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de baisse de glucose, mais il y a... Voilà, il y a un autre signal nerveux dans le cerveau qui donne l'envie de manger. Oui. Voilà. Et oui. Didier Chapelot. Oui, je prends la suite parce que là, j'ai vraiment un exemple typique de l'évolution, c'est presque épistémologique, de l'évolution d'une hormone qui est passée d'un domaine à l'autre. C'est la gréline. La gréline est sécrétée par l'estomac. Elle a été considérée à ses débuts de manière un petit peu rapide, même si j'y ai contribué parce que l'article... Je l'ai co-signé, mais mon collègue américain a été, lui, le premier à dire avant que c'était le déclencheur du repas. Je n'en étais d'ailleurs pas très convaincu, car nous, on avait bien vu que le phénomène de déclenchement du repas est quand même doit être assez proche du moment où on mange, alors que la gréline commençait à monter une heure et demie, deux heures avant. C'est un peu tard pour répondre. Bon. Et maintenant, on en est où? Eh bien, la gréline se révèle être une sorte de médiateur entre les signaux environnementaux qui nous amènent à manger et le déclenchement de la prise par rapport aux aliments. Donc, il est passé d'un domaine physiologique traditionnel à un domaine qui explique mieux pourquoi on se retrouve à l'insu de notre plein gré, comme disait un philosophe célèbre, en train de manger, alors que, eh bien, a priori, il n'y a pas de besoin énergétique. Et il y a quand même une hormone là-dessous, que moi j'avais appelée une hormone de préoccupation alimentaire. Et le circuit, maintenant, depuis deux ans, a été totalement identifié, hippocampe, nucleus accumbens, etc. Et là, vous ne faites pas référence à des situations d'impulsion, parce que là, c'est beaucoup plus bref. Non, la gréline nous met en préoccupation alimentaire. C'est-à-dire que, quand elle monte dans la phase pré-prandiale, si on est en train de faire quelque chose, dans la phase post-prandiale, les signaux liés aux aliments n'ont aucun effet sur nous. Il y arrive un moment où la gréline nous incite à prêter attention à ces signaux. Ouais. Et à ce moment-là, on se dit, c'était là tout à l'heure, je n'en mangeais pas, c'est là maintenant, j'en mange, oh, j'ai peut-être plus faim, mais pas vraiment, en fin de compte, on n'a pas plus faim. Mais elle a ce mécanisme-là de nous sensibiliser aux petits signaux qui vont venir nous dire qu'il y a disponibilité alimentaire. Allez, les questions des auditeurs sont nombreuses au standard. Catherine nous écrit en disant opérer d'une sleeve, on dit sleeve ou sleeve ? Sleeve. Sleeve, hein. Ayant perdu 35 kilos, je me bats toujours contre mes mauvais réflexes alimentaires. Comment arriver, demande-t-elle, à avoir une relation saine avec les aliments ? Alors sleeve, c'est quoi ? C'est l'anneau gastrique ? Oui, non, c'est pas l'anneau gastrique, c'est la chirurgie. On crée une sorte de bande avec l'estomac, c'est quand même plus efficace que l'anneau gastrique. Alors, moi, vraiment, dans la formulation, j'ai envie de dire que on tient à tout ce que, hélas, j'entends dans les ateliers, c'est-à-dire une relation conflictuelle, mauvais réflexe alimentaire. C'est pas des mauvais réflexes alimentaires. Il y a des signaux qui sont émis par le corps suite à cette sleeve. J'ai dit tout à l'heure d'ailleurs que la gréline était produite par l'estomac. En général, là où est produite la gréline, la partie de l'estomac est enlevée, donc c'est pas la gréline qui est en cause, puisque c'est les cellules qui la sécrètent sont plus là. Mais en revanche, il y a tout le reste. Et le corps est en train de vivre une perte importante de poids dans laquelle il y a de la masse grasse, de la masse musculaire, et il arrive un moment où le corps réclame de l'énergie pour maintenir le poids. Car toute baisse de poids, et ça quand je le dis, parfois mes étudiants se demandent si je ne galèche pas, mais à partir du moment où on est même en état d'obésité à poids constant, toute baisse de la prise alimentaire est un stress. On est en réduction énergétique. Et il se défend. Il maintient tout le mécanisme maintient. Donc c'est obligatoirement une situation qui crée un conflit entre ce qu'on voit comme message, mais c'est pas des mauvaises habitudes alimentaires. Alors, comment avoir une relation saine avec les aliments? On va répondre, évidemment, à Catherine dans un instant. Ce sera l'objet, justement, de notre discussion sur la rééducation, on pourrait presque dire, finalement, de notre comportement face aux aliments. On se retrouve dans un instant, et puis franceinter.fr pour nous rejoindre. Ton parfum, ton venin qui se met. C'était Canine à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Tu m'as fait un effort, Michel. C'est une question de volonté. C'est moi. Je pense que tu es un Indien. À Bombay, un petit Indien. Et que tu as faim. Et que tu as très faim. Si, tu as très faim. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Allez. Mange encore, mon petit Michel. Mange. Qu'est-ce que tu ne manges pas? Tu vas pas mourir. Voilà un extrait du film La Grande Bouffe, Marco Ferreri en 1973, une satire du consumérisme et de la décadence de la bourgeoisie. Et le film raconte l'histoire donc d'un groupe d'amis qui décide de manger jusqu'à la mort. Ce film a fait scandale, très controversé au moment de sa sortie. Ferreri d'ailleurs a décrit lui-même son film comme une farce physiologique, une sorte d'histoire de quatre machines physiologiques qui décrit la part animale de l'homme. Didier Chapleau, évidemment, vous avez vu ce film. Ah oui, j'avais adoré à l'époque. Ben oui, évidemment. Il y a un peu de ça finalement dans notre rapport à l'alimentation aujourd'hui. Il y a quelque chose dans cette abondance aussi qui est presque indécent au fond, puisqu'on devient malade de trop manger. Oui, mais là on a l'évidence affaire à des gens qui ont décidé d'utiliser l'alimentation comme pour mourir. Pour mourir, alors ouais. Que la plupart du temps les gens se retrouvent victimes et voient hélas leur espérance de vie ou leur qualité de vie diminuer à cause de leur alimentation, alors que c'est totalement contraire à toute l'éducation qui en fait nous incite à penser que si on mange bien, etc., on mange bien dans un bon vivant. Vous voyez. Ouais. Donc c'est vrai que là ça heurte une représentation culturelle qui est quand même bien ancrée, de moins en moins. Faut bien dire de moins en moins. Ça change beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire réellement que nous sommes victimes de l'alimentation dans la mesure où quand même on est de plus en plus informé, Sébastien Boller, sur les effets néfastes aussi d'une trop grande nourriture? Oui, mais est-ce que l'information suffit? Ce qui compte, c'est l'état de vulnérabilité dans lequel on se trouve au quotidien. C'est-à-dire que l'accessibilité de la nourriture aujourd'hui est telle que c'est véritablement un facteur de risque de passage à l'acte, parce que si on fait une comparaison avec les situations des addictions, ce que fait Paul Bruno dans notre dossier, oui. Qui est addictologue et qui étudie le concept d'addiction à l'alimentation. Un facteur de risque pour basculer dans l'addiction, en fait, c'est l'accessibilité des substances. Oui. Aujourd'hui, on vit dans un monde où voilà, les temps nécessaires pour accéder à une ration de nourriture, quelle qu'elle soit, grasse, sucrée, oui. Voilà. Il ne faut plus partir à la chasse, hein. C'est terminé. C'est de l'ordre de quelques minutes. Donc là, le risque d'en faire quelque chose qui est déconnecté du besoin physiologique, de manger sans faim, ce qui est aussi quelque chose qui commence à s'étudier au niveau hormonal, le fait de manger sans faim, le risque augmente de façon drastique. Et aujourd'hui, c'est à peu près la seule façon d'expliquer l'épidémie d'obésité, c'est que notre environnement nous expose sans arrêt à cela. En plus, bon, on a affaire à des nourritures qui sont plus tout à fait les mêmes que par le passé, qui sont quand même traitées industriellement, très grasses, très sucrées, très riches. Ce qui stimule différents systèmes de plaisir dans le cerveau, à la fois l'envie de manger, ce dont on parlait tout à l'heure, et puis le véritable plaisir presque biochimique à base d'opioïdes qu'on peut ressentir dans notre cerveau. Et Sébastien, d'ailleurs, dans Cerveau Psycho, vous donnez 10 pièges à éviter pour une alimentation plus naturelle, et vous dites que le pire ennemi de l'alimentation est parfois notre propre maison. Hein. Voilà, on essaie de répertorier ce qui peut se trouver dans... Il faut par exemple placer la nourriture dans des endroits opaques, peu visibles et peu accessibles. Alors ça, c'est dingue quand même. C'est-à-dire le pot de bonbons transparent, ça, il faut le fuir comme la peste. Voilà, donc des études très simples qui consistaient à placer des gens devant des pots de bonbons transparents ou opaques, de voir combien ils en consommaient pendant un temps donné, et puis c'est des différences de l'ordre de 75%. Parce que quand la nourriture est justement très accessible, qu'est-ce qui fait qu'on va s'en emparer et qu'on va la consommer? C'est plus forcément l'hypoglycémie dont on parlait tout à l'heure, ou la gréline, c'est simplement l'incitation visuelle. Et voir ou ne pas voir, ça fait parfois manger ou ne pas manger. Didier Chapelot, d'autres conseils? Ne laissez pas les plats trop longtemps sur la table. Mais dis donc, c'est pas très drôle, ça. Je voudrais quand même ajouter deux, trois petites choses. D'abord, la gréline est impliquée dans le stimulus visuel et de la prise. Donc, ça, c'est assez récent, on le sait maintenant. Par ailleurs, je voudrais, puisque je vais faire un petit peu le chercheur obscur de... il y a George Collier, qui est un chercheur extraordinaire, qui a travaillé sur... Le rapport bénéfice-coût de l'accès à l'alimentation des animaux, il a travaillé dans les années 80, et il avait bien montré qu'il y a une sorte de petite équation très simple que fait l'animal entre le coût en termes de pénibilité, de difficulté, que ça va aller. Alors évidemment, parfois, c'était pas d'une éthique animale extraordinaire, parce qu'il y avait un petit peu d'électricité sur la passerelle qui l'amenait à l'aliment, et la quantité qu'il consommait. Et bien sûr, moi, je montre les courbes souvent aux étudiants, elles se croisent, c'est-à-dire que plus ça devient pénible, et bien moins souvent on y va, et plus on en prend des grosses quantités, et inversement. Donc, alors on n'est pas des rats, certes, mais il semble quand même y avoir un certain nombre de points communs sur le fait que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une sorte de mécanisme de prévisionnel et provisionnel qui se fait. C'est-à-dire que si l'aliment est disponible, on ne sait jamais, en gros. Alors, on n'est pas du tout identique sur le sujet. Nous, on a beaucoup travaillé quand on recrutait des sujets. On a travaillé sur le goûter. On a fait une très belle étude, d'ailleurs, sur le goûter. Parce que ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a travaillé sur la définition du repas. C'est-à-dire que là, on en parle un petit peu de manière... un peu superficiel, c'est-à-dire que si on veut faire une distinction claire et compréhensible pour tout le monde, quand est-ce que je mange un repas physiologique et quand est-ce que j'en mange pas, il faut donner quelques outils biologiques quand même, ou subjectifs. Et nous, on a publié 2-3 papiers là-dessus suite à des études où on montre que il y a un profil biologique particulier, avec une augmentation une baisse de la glycémie, bien sûr, et de l'insuline aussi, d'ailleurs. Et puis, un niveau de faim qui monte aussi, c'est important, peut-être d'apprendre. On parlait de comment réussir à mieux décrypter, déjà se demander, on utilise actuellement des échelles analogiques, savoir où on se placerait sur un état de faim, et de se dire, voilà, je me mettrais par exemple à 8, voilà, j'ai faim. Et puis autrement, dire, non, là, j'ai pas faim. Donc, c'est déjà se poser ces questions-là. Alors, il y a plein de questions des auditeurs, il faut qu'on y réponde concrètement pour aussi avancer sur ce dossier. Il y a Marie qui demande, est-ce qu'il existe de réelles différences physiologiques entre des petits mangeurs et des gros mangeurs? Ah, alors là, c'est compliqué. Soit un petit... Alors, on va essayer de simplifier. Oui, non, mais c'est compliqué de faire une réponse. Si quelqu'un est en stabilité de poids, petit mangeur ou gros mangeur, simplement, il doit peut-être prendre sa prise en des gros repas largement espacés contre l'autre qui prend des tout petits repas très fréquents. Mais ou alors des repas qui sont très denses en énergie pour l'un, qui vont être donc petits en volume, et les autres qui vont être très peu denses en énergie, il y a peu de calories par gramme et qui vont être copieux. Mais en tant que tel, l'idée du petit ou du grand mangeur a été depuis les années 90, globalement rejeté. Il n'y a pas des personnes qui ont un métabolisme de base plus élevé, qui ont besoin d'absorber plus de calories? Alors, ce qu'il y a souvent, ce qu'on appelle le métabolisme, souvent ça se résout à la masse cellulaire active, c'est-à-dire la masse maigre, la masse musculaire. Donc on va voir quelqu'un, on va imaginer pour la même corpulence, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le corps. Et donc, les deux, on va dire, lui, il mange beaucoup par rapport à celui-ci, ils ont le même poids, sauf que si on faisait une composition corporelle, on verrait qu'il y en a un qui a beaucoup plus de masse musculaire, et c'est ça qui dépense l'énergie. Et l'autre, beaucoup plus de masse grasse. Isabelle nous dit, selon mon expérience, il est plus facile de ne pas manger du tout que de manger peu. Manger déclenche l'appétit. La science a-t-elle des explications à cela ? C'est l'insuline, hein. Tout simplement. Ah, c'est l'insuline. Dès que vous reprenez un petit peu, d'ailleurs, tous les gens qui font des jeûnes, ils savent très bien qu'il faut éviter le plus possible de tout ce qui va faire sécréter un peu l'insuline. Mmh. Brigitte dit, pourquoi est-ce qu'à certains moments, on a envie de manger des produits frais, des yaourts, des fruits, alors qu'en réalité, on a soif et qu'il suffit de boire justement pour calmer cette envie? Ah oui, alors ça, c'est un conditionnement. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des pires. Hein. C'est-à-dire l'association que l'on a fait dans nos... dans notre civilisation, entre ce qui hydrate et ce qui contient de l'énergie. Hein. Et ouais. Ça, ça pose un vrai souci, oui, effectivement. Pierre nous dit, vous écoutez faire cette émission me donne faim, est-ce normal? C'est pas le but de l'opération, hein. Non. Alors, une réponse, s'il vous plaît, Didier Chaplot. C'est la gréline. Stimulus sonore. C'est la faute de la gréline. Bon, alors, mettez votre gréline en sourdine. Exactement. On fait comment, docteur, s'il vous plaît? Oui, ils vont bien nous trouver des antagonistes de la gréline. Hein. Ouais. Déjà, je parle d'ailleurs dans l'article d'une start-up israélienne qui a lancé une appli sur le téléphone qui stimule à l'intérieur de l'estomac le nerf vague. Incroyable. Ça, voilà. Donc, on va pouvoir, là, peut-être qu'ici, je prends date à France Inter, que d'ici quelques années, nous serons tous en train de gérer notre comportement alimentaire sur notre smartphone. Pour nous couper la faim, par exemple. Exactement. Voilà ce que vous avez dit tout à l'heure et dont il ne faut pas dire la marque. J'appuie sur le bouton pour ne pas en manger. Oui, pour ne pas manger de treats. Parfois, le simple fait de penser effectivement à la nourriture peut donner faim. Enfin, là, je crois que c'est plus dans l'anticipation du plaisir. On sait qu'il y a des indices visuels, sonores, qui provoquent déjà de la libération. Là, c'est plutôt de la dopamine, je crois, d'ailleurs, en anticipation. Oui, mais j'ai pas envie d'être monomaniaque avec la gréline, mais il se trouve que là, tout le monde pourra vérifier. Le phénomène de conditionnement, c'est-à-dire que je vais vous donner une étude très très simple, très rapidement. Lorsque les animaux étaient nourris une seule fois, donc c'est pour vous dire que c'est quand même un sacré challenge, la gréline montait seulement s'ils savaient qu'ils allaient avoir à manger. S'ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir à manger, pour la même heure, la gréline ne montait pas. Oui. Et donc, il a été maintenant bien vu que la gréline est une hormone conditionnable. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on peut utiliser, cet outil-là, pour caler des repas au bon moment. Ça, voilà, oui. Donc on a quand même un petit pouvoir là-dessus. Ah oui, mais le pouvoir est beaucoup. Là, on n'a pas le temps de le prendre, mais il y a de quoi totalement se réconcilier en utilisant des stratagèmes. Eh ben, on va en parler dans un instant. Il y en a quelques-uns d'ailleurs. Exactement. On va en parler dans un instant et puis répondre aux auditeurs sur franceinter.fr. Thank you. Gallipoli. C'était Beyrouth sur France Inter. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà mes invités, Didier Chaplot, médecin et maître de conférence à Paris 13, Sébastien Boller pour Cerveau et Psycho, autour de ce dossier, donc les lois naturelles de l'alimentation, c'est en kiosque hein, Sébastien, depuis quelques jours, trouver l'équilibre grâce aux neurosciences, il y a énormément de questions, on va donc y répondre. Un mot sur un terme que vous employez, même c'est l'objet d'un article, sur l'alimentation émotionnelle, Sébastien, c'est vraiment le lien des émotions avec notre rapport là aussi à la nourriture hein. Voilà, c'est tout le versant qui est pas purement physiologique, on va dire, de l'alimentation, ce qui fait que, voilà, dans notre monde personnel, intérieur, on va recourir à l'alimentation parfois pour se sentir mieux, tout simplement, parce que parfois on vit des émotions négatives, des émotions de tension, de tristesse, de stress, qu'on ne sait pas forcément identifier et qu'on ne sait pas forcément réguler par des moyens, on va dire, cognitifs ou d'introspection, et donc on va recourir, par exemple, ça va être le carreau de chocolat, ça va être la main qui plonge dans le paquet de chips, parce que on a envie de se sentir un petit peu mieux. Ouais. Alors souvent, justement, ce qui manque à ce moment-là, c'est plusieurs choses, plusieurs réflexes qu'on peut avoir. C'est d'abord être capable d'identifier ses propres émotions, de se dire tiens là je me sens pas très bien, je me sens tendu, déjà de pouvoir mettre un mot dessus, ça fait partie de ce qu'on appelle en psychologie l'intelligence émotionnelle, et ensuite savoir trouver les causes, ce qui a provoqué vraiment cet état émotionnel, pour savoir si finalement l'alimentation est une bonne réponse à ça. Et souvent ce qu'on constate dans les prises en charge de ces alimentations émotionnelles, c'est qu'une bonne thérapie qui est basée sur le développement de cette capacité à identifier ses émotions, les verbaliser, trouver les causes, donne d'assez bons résultats après sur la régulation de la prise alimentaire. Nadège nous dit hyper émotive, j'ai souvent pris et perdu du poids, j'ai maigri en changeant le volume de mes aliments, de plus en plus de petites assiettes qui ont suffi à m'aider. Vous êtes d'accord avec ça, docteur Chaplot? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une formidable leçon, je trouve, que les Américains nous ont donné, une fois de plus, je parle des États-Unis, parce que Barbara Rawls, qui a donc mis en évidence cette relation importante entre la taille des assiettes et la quantité consommée, a obtenu après, l'intervention des pouvoirs publics pour demander aux restaurateurs américains revenir à des dimensions plus raisonnables. Ouais. Et ça veut dire que parfois, la recherche dans des laboratoires peut, lorsqu'elle devient franchement trop concluante pour qu'on en reste là, aboutir à des modifications dans la vie quotidienne. Oui, faites attention à la taille des assiettes. Ouais. Rodrigue nous dit, je pratique le jeûne intermittent et je m'impose donc de ne pas manger entre 20h le soir et 14h le lendemain. Cette gymnastique me permet de mieux appréhender mes sensations de faim en me désensibilisant d'une certaine façon. Ainsi, je me sens léger dans mon corps et dans mon esprit, prêt à affronter tous les défis de la journée. Alors, il y a un article sur le jeûne, justement, dans Cerveau Psycho. Oui. J'aimerais avoir votre avis, Didier Chaplot, parce que vous n'avez pas signé l'article sur le jeûne. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je connais assez bien le sujet. En fait, il y a tellement de types de jeûnes intermittents proposés que vraiment on ne peut pas rentrer dans le détail. Simplement, on va dire que c'est de mettre pendant un temps plus ou moins long l'organisme au repos sur le plan alimentaire. Ouais. C'est bien ou pas? Alors, de le faire? Oui, c'est bien. Après, est-ce que c'est parce que c'est le jeûne que ça marche, ou est-ce que c'est parce que ce que ça produit pourrait être produit par autre chose et marcherait aussi? Ça, par exemple, la diète cétogène pourrait peut-être produire la même chose. Mmh. Par exemple, l'exercice physique pourrait produire la même chose avec l'alimentation qui correspond. Mais si on est, je voudrais répondre précisément à la question, si on est sur une partie de la journée qui doit être jeûnée, honnêtement, c'est pas celle-ci qui est considérée comme la meilleure. Ça serait arrêter à peu près 17h jusqu'au lendemain matin, 8h. D'accord. Franchement, parce que le soir, on est insulino-résistant. Donc, éviter le repas du soir. Oui. D'accord. D'essayer de prendre... Toutes les études montrent que quand on prend son alimentation, la majorité de son alimentation avant 14-15 heures, à la fin, on est sur le plan de la corpulence, sur le plan métabolique et tout, cardio-métabolique, bien mieux que si on le prend le soir. C'est l'origine de l'expression « qui d'ordine » Oui, peut-être. Non, mais c'est vrai que le sommeil tient lieu de repas, d'une certaine façon, on a besoin de manger. Alors, vous avez prononcé le mot « diète cétogène ». Qu'est-ce que c'est alors exactement? Alors, la diète cétogène, c'est une remise en question alimentaire assez totale et même biochimique, parce que moi, je fais quand même la biochimie, et là, on découvre des mécanismes qu'on peut pas décrire ici, bien sûr, mais qui sont assez étonnants. Alors, la diète cétogène, ça consiste à se mettre à un régime avec extrêmement peu de glucides, du sucre, on va dire, on est en dessous de 50 grammes dans la journée, ce qui est quand même un tour de force dans notre alimentation, et une alimentation qui est extrêmement lipidique, très très grasse. Et avec des résultats qui, effectivement, passés à une phase d'adaptation qui est parfois un peu pénible, sur la fatigue et tout, eh bien, on s'aperçoit maintenant dans les études qu'au bout de 6 mois, 1 an, Eh bien, les résultats sont quand même assez encourageants, même sur ce que je craignais, parce que c'est mon dada. C'est-à-dire, je pensais qu'on allait avoir des difficultés à continuer à faire de l'activité physique. Et en fait, c'est pas le cas. Mmh. Alors, justement, l'activité physique, qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que certains disent que faire du sport, ça donne faim, justement, après, et que finalement, ça nous remet pas dans le rail de bonnes habitudes. Et puis, vous, je crois, Didier Chapleau, vous êtes plutôt favorable à toutes les activités physiques, sans distinction? À toutes. Ouais. Toutes, le principal, c'est de faire de la contraction musculaire et bon, faire aussi de l'aérobie pour la fonction cardiaque, mais et de la dépense énergétique. En fait, vraiment, là, je veux vraiment être péremptoire, ce qui est pas trop mon habitude, mais les études, les revues, les méta-analyses montrent que on ne rattrape pas l'énergie dépensée lors de l'activité physique, et ça, c'est clair, et que alors. Il y a eu beaucoup, de malentendus sur le fait que l'activité physique ne ferait pas maigrir. Mmh. En fait, l'activité physique modifie la composition corporelle. C'est-à-dire que quand vous regardez toutes les études, quand vous regardez après la composition corporelle, vous apercevez que les gens ont pris, car on est très déconditionné sur le plan musculaire, on est très sarcopénique, comme on dit dans le jargon, eh bien, on prend du muscle, quel que soit le type d'activité d'ailleurs. Et on perd de la masse grasse. Donc sur la balance, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais en revanche, quand on regarde la silhouette parfois, et quand on regarde... Et l'avantage, c'est que c'est la masse musculaire qui fait de la dépense énergétique de repos. Donc vous pouvez vous permettre 20-30% de prise énergétique supplémentaire sans prendre un gramme. Alors Vincent nous dit, quelle est l'influence de l'éducation alimentaire? Sachant, dit-il, que j'explique très souvent à mes enfants pourquoi il vaut mieux manger ça plutôt que ça, qu'il faut éviter le sucre, les aliments transformés. Est-ce que il pourrait à l'avenir avoir une réaction contraire et faire l'inverse de ce que je préconise au Exactement. Quotidien? Exactement. Ça a été monté par John Wardle en Angleterre lors d'un congrès. Elle a montré l'ensemble de... Oui, à partir du moment où vous dites à un enfant qu'un aliment est bon pour la santé, vous voyez diminuer le plaisir qu'il procure. Et à partir du moment où vous dites que c'est pas bon pour la santé, vous voyez augmenter l'attrait que procure l'aliment. Donc, il faut utiliser des méthodes qu'on appellerait skinnériennes, c'est-à-dire du conditionnement positif. Il faut faire très attention, et je pense que parfois les parents, j'ai fait quelques interventions comme ça sur le sujet, qui parfois surprennent. Oui. Les interventions parentales sont souvent très contre-productives. Bon, votre conseil à retenir, Didier Chapleau, s'il ne fallait qu'en retenir qu'un seul aujourd'hui, il nous reste très peu de temps, alors? Alors, ça serait deux quand même. Un, très vite. Exercice physique. Ouais. Vraiment, on peut pas, car comme je vous l'ai dit hors antenne, il y a une boucle qui se met en route pour que le comportement alimentaire se mette au diapason des besoins, qui passe par le système nerveux sympathique, qui est un système que l'activité physique maintient. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que il faut quand même faire attention à être attentif au fait d'avoir faim ou de pas avoir faim. C'est-à-dire savoir, est-ce qu'on mange un repas ou pas un repas? Est-ce que c'est déclenché ou pas déclenché? Et donc, c'est ce que on disait tout à l'heure, le fait de s'interroger sur la motivation de sa prise est quand même essentiel, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Sébastien, un petit mot pour conclure? Oui, je crois que je rajouterais par rapport à ça le fait de s'écouter aussi au niveau des motivations et des émotions qu'on ressent, et de ne pas prendre la nourriture pour une sorte de médicament de l'âme. Et on peut lire Savoir et Psycho, du coup. Et on a le temps d'y réfléchir. Comprendre les mécanismes, ça permet de s'observer en situation aussi. On a intérêt à diffuser la connaissance sur cette question. Ça s'appelle Les lois naturelles de l'alimentation. C'est votre une ce mois-ci, Cerveau et Psycho, trouver l'équilibre grâce aux neurosciences, dont cet article d'ouverture signé par vous, Didier Chapleau. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci aux auditeurs pour les très nombreuses questions. Il faudrait qu'on fasse une deuxième émission sur la question, tellement il y a de messages sur franceinter.fr. À bientôt.